Résistant à la tentation de l'amour interdit, Charles Péguy composa en 1911-1912 ses quatrains, qui ne furent publiés qu'après sa mort, dans l'édition de ses œuvres complètes, parues dans la Pléiade en 1941. Cœur qui a tant rêvé, ô cœur charnel, ô cœur inachevé, cœur éternel. Cœur qui a tant battu d'amour, d'espoir, ô cœur, trouveras-tu la paix du soir? Cœur tant de fois pétri, ô pain du jour, cœur tant de fois meurtri, levain d'amour. Cœur qui a tant battu d'amour, de haine, cœur, tu ne battras plus de tant de peine. Cœur, plein d'un seul regret, poignant et bref, comme un nique frais charge une nef. Cœur, plein d'un seul regret, poignant et sourd, comme un fardeau trop lourd charge une nef. Cœur, vaisseau démarré à charge pleine, vaisseau désemparé de sa misaine. Ô peine aux longs cheveux, couché au lit, de l'homme que tu veux, enseveli. Ô peine aux cheveux longs, couché au long de l'homme juste et bon au même lit. Enseveli sois-tu dans cet amour et dans cette vertu et cette tour. Loué sois-tu, cœur frêle, pour ta rudesse. Loué sois-tu, cœur grêle, pour ta tristesse. Pour tes renoncements, ô dépouillé. Pour tes abaissements, ô cœur souillé. Cœur tant de fois cloué au doux gibet, tant de fois bafoué de colibet. Et pardonné sois-tu, notre cœur vil, au nom des trois vertus. Ainsi soit-il.